Si j'étais doué de quelques connaissances, je marcherais dans la grande voie. La seule chose que je craigne, c'est d'agir. La grande voie est très unie, mais le peuple aime les sentiers. Si les palais sont très brillants, les champs sont très incultes et les greniers vides. Les princes s'habillent de riches étoffes, ils portent un glaive tranchant, ils se rassasient de mets exquis, ils regorgent de richesses. C'est ce qu'on appelle se glorifier du vol. Ce n'est point pratiquer le Tao.